Chapitre 1er de l'injustice de l'esclavage des nègres considérée par rapport à leur maître. Réduire un homme à l'esclavage, l'acheter, le vendre, le retenir dans la servitude, ce sont de véritables crimes et des crimes pires que le vol. En effet, on dépouille l'esclave non seulement de toute propriété mobilière ou foncière, mais de la faculté d'en acquérir, mais la propriété de son temps, de ses forces, de tout ce que la nature lui a donné pour conserver la vie ou satisfaire à ses besoins. À ce tort, on joint celui d'enlever à l'esclave le droit de disposer de sa personne. Où il n'y a point de morale, où il faut convenir de ce principe. Que l'opinion ne flétrisse point ce genre de crime, que la loi du pays le tolère, ni l'opinion ni la loi ne peuvent changer la nature des actions. Et cette opinion serait celle de tous les hommes et le genre humain assemblés aurait, d'une voix unanime, porté cette loi, que le crime resterait toujours un crime. Dans la suite, nous comparerons souvent avec le vol l'action de réduire à l'esclavage. Ces deux crimes, quoique le premier soit beaucoup moins grave, ont de grands rapports entre eux. Et comme l'un a toujours été le crime du plus fort et le vol celui du plus faible, nous trouvons toutes les questions sur le vol résolues d'avance et suivant de bons principes par tous les moralistes, tandis que l'autre crime n'a pas même de nom dans leurs livres. Il faut excepter cependant le vol à main armée qu'on appelle conquête et quelques autres espèces de vol où c'est également le plus fort qui dépouille le plus faible. Les moralistes sont aussi muets sur ces crimes que sur celui de réduire les hommes à l'esclavage.